Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec le terrorisme, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a ces 3 jours de janvier 2015 où des terroristes ont tué 17 personnes au journal Charlie Hebdo, parmi les forces de l'ordre et dans un hypermarché cachère. Ils ont précédé les attentats de novembre à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts et ceux de Nice et de Strasbourg et leurs 91 victimes. Et pour tenir, les rescapés se sont regroupés. Alors pour commencer, les personnages, un homme associé, une victime qui a créé la première structure, un fils orphelin, des psychiatres du traumatisme, une pédopsychiatre et une juriste. Ensuite, le décor, des prises en charge, des droits, la sidération, le traumatisme, le Grand Véfour, Saint-Michel, une loi, des réparations, un décédis, une association dissoute et une commémoration. Aujourd'hui, 2e épisode, on tend l'oreille. Vivre avec le terrorisme, s'associer pour revivre, par Séverine Cassard et Alain Lefkovitch. Bonjour, je suis Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, 13 novembre 2015. Alors nous, on dit association de victimes, c'est surtout pour se différencier des associations d'aide aux victimes qui sont des professionnels, parce que nous, on a tout de suite voulu que les familles de victimes, que les aidants, c'est-à-dire les primo-intervenants, les gens qui sont venus, et de manière un peu générale, tous les gens qui ont été touchés par les attentats sans être qualifiés pénalement de victimes puissent nous rejoindre. L'association, elle est née d'un appel, un message sur Facebook, et elle a débouché sur des groupes Facebook et ce qu'on appelait à l'époque des apérothérapies, c'est-à-dire que les victimes se rencontraient souvent autour d'un verre pour un peu sortir ce qu'elles avaient à sortir de leur système. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de revendications à porter dans la société, et pour ça, avoir une association, ça permettait d'avoir des moyens, ça permettait d'avoir un écho plus important dans la presse et d'être pris au sérieux par l'État. On vit dans une société où être victime, ça demande une grande préparation, qu'on n'a évidemment pas, parce qu'on ne s'attend pas à devenir victime, être pris en charge, être indemnisé, être reconnu comme partie civile au procès, ça demande énormément d'efforts. Et ce que se dit la société, c'est que la victime est victime, et qu'elle l'est pour toujours, et qu'elle ne cessera jamais de l'être. Et une des choses importantes qu'on essaie de faire avec Life for Paris, c'est justement de montrer qu'il y a un moment où on peut dire qu'on est victime en retraite. Même si on est changé par rapport à avant l'attentat, c'est pas pour ça qu'on doit se définir comme une victime en permanence. Donc j'ai vraiment l'espoir qu'on puisse sortir du statut de victime. Maintenant, ça reste encore à démontrer. Blessés psychiquement ou physiquement, choqués, traumatisés, sidérés, les victimes d'attentats ont longtemps été seules face à leur mutilation. On rentre chez soi comme si de rien n'était, on sort de l'hôpital pour reprendre le cours normal de son existence, et on enfouit les syndromes qui pourraient ressurgir ensuite. On refoule, on ravale, on dissimule l'inénarrable, l'indescriptible, l'invraisemblable, comme pendant longtemps dans ma famille d'internés de 1942 à 1945, où le silence était la règle. Un secret de famille bien gardé qu'on ne saurait raconter aux enfants ou aux autres qui ne pourraient pas comprendre. Ben oui, ils ne l'ont pas vécu. Seules les victimes semblent pouvoir entendre le récit des victimes, dans une société qui n'intègre pas les marges. Combien de temps aura-t-il fallu aux traumatisés de l'histoire pour décrire, relater, révéler et se constituer en association capable de témoigner? Si le terme attentat apparaît au XIVe siècle, il faudra attendre 1986 et le long combat de Françoise Rudetsky, grièvement blessée le 23 décembre 1983 dans l'explosion du restaurant Le Grand Véfour à Paris et fondatrice de SOS Attentat, première association de victimes du genre, pour que le vocable soit inscrit dans le droit et que les victimes soient enfin reconnues comme telles et prises en charge. Les associations de victimes, elles, redonnent chaque jour à leurs adhérents l'énergie nécessaire pour revivre. Le mot terrorisme n'existait pas dans notre droit français, donc il y avait dans la législation aucune disposition de lutte contre le terrorisme et également de prise en charge des victimes. alors qu'il y avait eu du terrorisme depuis 1974 au drugstore Saint-Germain, quand Carlos a jeté des grenades et a tué 2 personnes, blessé des dizaines de personnes. Il n'y avait rien, donc on n'a pas pu indemniser les victimes, elles ne pouvaient pas se constituer partie civile, mener une bataille juridique et judiciaire. Donc ma première idée, réflexe de juriste, c'était de faire rentrer le mot terrorisme dans notre droit français. Et il se trouvait que dans les cabinets ministériels, il y avait des professeurs de droit que j'avais eus à la fac d'Assas, de même que mon mari. On s'est dit, ça va être assez facile d'ouvrir les portes, et pas du tout. Pas du tout, nous n'obtenions aucune réponse. Donc l'idée a germé de créer une association de victimes. Et grâce aux médias, Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach, j'ai eu accès à une émission de radio où j'ai lancé un appel en novembre 1985 pour demander aux victimes du passé de venir nous rejoindre. Et là, il y a eu comme un déclic. Les gens qui étaient complètement oubliés, pour la plupart, pouvaient même pas payer leurs soins, qui n'étaient pas entièrement remboursés par la Sécurité sociale, sont venus nous rejoindre. Et puis, le 7 décembre 85, aux Galeries Lafayette et au Printemps, un samedi avant Noël, des bombes sont placées au sous-sol des 2 grands magasins bondés à ce moment-là. Et donc, les événements nous ont en quelque sorte aidés. Puis début 86, on est rentré en campagne électorale avec la première cohabitation à la clé. Et là, comme nous avions fait un peu de science politique, on a su utiliser cette concurrence entre la présidence et le Premier ministre. Et j'ai été reçue par le président Mitterrand, qui m'avait expliqué que, bien sûr, il n'était plus aux commandes pour certaines choses, mais qu'il allait quand même nous soutenir. Et reçu par le Premier ministre qui était M. Chirac, qui a tout de suite compris les enjeux et qui a dit on va mettre en œuvre une loi, surtout que le 20 mars 86, il prenait ses fonctions et il y avait eu un attentat à la poste de la mairie de Paris, il était maire de Paris, et donc il a vécu en quelque sorte un attentat dans la mairie pratiquement. Mais on va le voir, à chaque étape de mon combat, on était dans le déni. Il y avait 3 volets dans cette loi. Il y avait la prévention, la répression, puisque c'est là qu'a été créée la section antiterroriste avec des règles un peu spécifiques au plan de la procédure pénale, avec une prolongation de la garde à vue. Et il y avait le 3e volet, la réparation. Et ben, je participe à l'élaboration au moins de ce dernier volet. La loi est déposée à l'Assemblée nationale et le dernier volet manquait, avait été oublié. Alors il y a un journaliste du Matin de Paris à l'époque qui avait titré « L'amendement Rudetsky ». Donc c'est ce que n'est que sous forme d'un amendement parlementaire que le projet de loi préparé par le gouvernement a pu enfin donner des droits aux victimes. Donc cette loi prévoyait la création d'un fonds de solidarité alimenté par une contribution de solidarité nationale, fonds qui est autonome, qui ne dépend pas de l'État, puisque les règles de la comptabilité publique sont très contraignantes. C'était pas assez souple pour pouvoir aider les victimes réellement dans leur parcours. Et la France a développé un modèle unique au monde, avec le statut de victime civile de guerre que j'ai mis 4 ans à obtenir du président Mitterrand. Donc ça a été compliqué, on me l'a refusé en disant « mais non, c'est pas la guerre ». Et moi je disais « mais si, c'est une nouvelle forme de guerre ». Et après le 13 novembre, plus personne n'a contesté que c'était une forme de guerre. Guillaume Denoy de Saint-Marc, Vous êtes victime d'attentats. Votre père est dans le DC-10 du TA. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'était en 1989, le 19 septembre. J'étais tout simplement en train de travailler. C'était mon premier boulot. J'avais 26 ans et j'étais très consciencieux, comme on peut l'être à ce stade-là, très dévoué à mon travail. Et ma mère m'a appelé en disant qu'elle était inquiète parce que l'avion de mon père avait été annoncé avec du retard. Et je lui ai envoyé paître parce que c'était pour moi une information qui me dérangeait dans mon travail de routine. Jusqu'à ce que mes collègues me disent « oui, mais on vient d'en parler à la radio, effectivement, ils parlent de cet avion ». Et là, je me suis dit « oh là, c'est pas juste une inquiétude de ma mère, c'est il se passe quelque chose ». Et donc j'ai débriefé mon équipe et je suis allé voir ma mère et je suis revenu finalement que 3 mois plus tard au boulot, parce qu'entre-temps, j'avais appris effectivement la mort de 170 personnes, dont mon père, de 18 nationalités, dans un accident, dans un premier temps, on pensait, peut-être. Et puis finalement, il s'avérait que c'était un attentat organisé par les services secrets libyens contre un avion français, avec 170 morts au-dessus du désert du Ténéré. Alors là, nous sommes installés dans vos locaux, à l'Association française des victimes de terrorisme. Qu'est-ce qui est à disposition des victimes à cette époque, en 1989? Comment on s'occupe de vous? Eh bien, je dirais que personne ne s'est occupé de nous. On a appris tout par la télé, par les médias. On a eu quand même un coup de téléphone du Quai d'Orsay. Et ensuite, on a été un peu aidé par les différents services sociaux des différentes entreprises. Mon père travaillait pour Total, donc c'est les services sociaux de Total qui nous ont un peu accompagnés. On a quand même croisé quelques personnes du gouvernement, mais à l'époque, on n'était pas en état de vraiment comprendre. Il y a eu un hommage national. Nous, on était complètement à l'ouest, donc on était encore sous le choc. Et puis après, il a fallu se reconstruire un peu tout seul. Alors, il y avait le fonds de garantie qui avait déjà été créé, donc on a reçu un système de compensation, du moins pour les victimes françaises. Les victimes étrangères de cet avion, qui pourtant étaient français, ont dû se débrouiller avec les assurances. Aujourd'hui encore, j'en suis en colère, parce que je trouve que c'est pas normal qu'on ait différencié les victimes françaises des autres victimes dans un avion français visé parce que français. C'est quelque chose qui me reste toujours en travers. Donc on s'est débrouillé avec des bouts de ficelle. Certains ont sombré. Je rejoins 2 ans plus tard une association qui s'appelait SOS Attentat, où je prends un certain nombre de responsabilités, je m'y implique beaucoup, parce que là, d'un seul coup, on est un peu dans l'action, on se retrouve entre victimes de différents attentats, on rencontre les gens de 86, les gens de... Puis après, on accueillera les nouvelles victimes, celles de 95, etc. Donc, il y a une sorte de solidarité entre victimes, il y a le fait qu'il faut arriver à se faire entendre par une société qui refuse de nous voir, refuse de voir qu'on existe. Pourquoi? Je crois que c'est anxiogène, tout simplement, et si c'est pas l'État qui montre le « là », en disant « oui, ces victimes-là sont importantes parce que ça concerne l'ensemble de la société », c'est pas la société elle-même qui spontanément va venir vous aider, vous accompagner. Moi, je me rappelle très bien de ma mère, quand tu lui as demandé de se constituer partie civile, ce qui est une question classique que pose la police quand elle nous reçoit, ma mère a dit « mais pourquoi voulez-vous que je me constitue partie civile ? C'était pas mon mari la cible, c'était l'État français. Si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est l'État français, c'est pas à moi. » Alors, c'est une méconnaissance du droit, d'une certaine manière, mais sur le fond philosophique, c'était tout à fait vrai. Alors, effectivement, l'État, lui aussi, a entamé l'action judiciaire. Mais tout de cette symbolique-là, c'est-à-dire que les victimes sont l'outil pour frapper une société. Et à ce titre-là, et c'est tout le sens du combat que je mène aujourd'hui, c'est de montrer à quel point, non seulement les victimes ont un contentieux, bien sûr, avec les terroristes, elles ont aussi un contentieux avec la société elle-même, puisque c'est elle qui est visée, c'est les États qui sont visés. Et que le fait qu'on ne les reconnaisse pas dans leur singularité, elles ont l'impression d'être dénigrées. Et SOS Attentat a disparu en 2008 parce que le président Sarkozy a dit il n'y a plus d'attentat depuis Port-Royal 1996 à Paris, en oubliant les attentats corses, les attentats basques, les victimes françaises à l'étranger. Et moi, j'ai fait une lettre en disant « mais on n'a encore rien vu en France, on va connaître des attentats de masse ». Et on m'a dit « non, non, on en a fini avec le terrorisme », comme on me le disait en 85. On me répète ça en 2008, au niveau de la présidence de la République et de Mme Michèle Alliot-Marie. Donc j'ai dit « bon, bah, très bien ». Dans ces cas-là, moi, j'ai plus rien à faire dans une association. Je présente ma démission, je fais une assemblée générale, je dissous l'association, sauf si quelqu'un veut reprendre. Assemblée générale, personne ne veut travailler 20 heures sur 24, donc on dissout. Et là, je suis reconvoquée, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je dis, j'ai fait ce que je vous ai dit entre quatre yeux, que ce que je vous ai écrit, ce que j'ai annoncé dans les médias et ce que j'ai dit à toutes les victimes par courrier. Ma lettre est toujours sur le site d'SOS Attentat. Bon, janvier 2015 arrive, et puis 13 novembre arrive, et ainsi de suite. Et surtout, je pense que les pouvoirs publics n'avaient pas compris l'alerte des attentats de Toulouse, de l'école aux Oratoras et de Montauban, et de l'assassinat des cibles militaires, des cibles d'une école. C'était un signe avant-coureur. Le président Sarkozy, qui était en fin de mandat, n'a pas compris les enjeux, et le président Hollande qui arrivait s'est dit, moi je serai à l'abri des attentats dans mon mandat. Et là, je crois, était très, très touché, très marqué par Charlie d'abord, en oubliant un peu les autres attentats à Montrouge et l'hypercachère. Hein. Et puis, 13 novembre, les terrasses, le Bataclan, le Stade de France, où là, il y était, au Stade de France. Et à partir de là, il a été très marqué. Et bien que l'association était dissoute, j'avais des choses à lui demander pour aider les victimes. Donc j'ai pu le rencontrer début 2016. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis le décès de mon mari, qui est la création d'un centre national de ressources et de résilience. Parce qu'après le 13 novembre, je t'ai rendu compte que les médecins généralistes, par exemple, étaient totalement démunis dans le 11e arrondissement. Ils me disaient, nous, on prescrit des anxiolytiques, mais on n'a pas les mots. On doit pouvoir les aider autrement qu'avec des anxiolytiques. Je lui en ai parlé, il m'a dit, ok, remettez-moi un rapport. Donc j'ai auditionné 90 personnes dans les associations de victimes et tous les intervenants, des pompiers aux policiers, aux médecins, à Santé publique France, à tous les organismes qui, à un moment donné, interviennent dans la chaîne de l'aide aux victimes. Et j'en ai fait une synthèse avec des propositions, et donc ce centre de la résilience, avec ses volets formation, information et recherche sur le trouble des stress post-traumatiques, a été ensuite validé par le président Macron. Le Premier ministre a adhéré également au projet. Et donc, il y a ce centre, le CN2R, en liaison avec la PHP de Paris. Ce n'est pas un centre de soins. Par contre, il y a 10 centres de soins de traumatologie qui se sont ouverts dans toute la France, où là, on prend en charge les soins spécifiques du psychotrauma. Je suis Thierry Bobet, je suis professeur de psychiatrie ici, à l'hôpital Avicenne et à l'université Paris 13. Et je m'occupe du centre régional de soins du psychotraumatisme Paris Nord, de la cellule d'urgence médico-psychologique du département et également avec Guillaume Veva du centre national de ressources et de résilience récemment créé. Moi je suis psychologue clinicienne, je m'appelle Catherine Du, je prends en charge les traumas dans ce service depuis déjà pas mal d'années. Moi je suis Dalila Rezou, je suis pédopsychiatre, je travaille dans ce service depuis de nombreuses années, donc je prends en charge des enfants et leurs familles aussi dans des dispositifs à la fois individuels et de groupe. Alors on va commencer par le début, c'est quoi un psychotrauma ? Ce qu'on appelle un traumatisme psychique, c'est l'effet sur une personne de certains types d'événements, dans certaines circonstances. C'est principalement des situations dans lesquelles on est en danger de mort ou de blessures graves. Chez ces gens-là va apparaître une maladie chronique qu'on appelle le syndrome, le trouble de stress post-traumatique. Alors il faut savoir aussi qu'après un événement qui a eu un effet traumatique, il faut une évaluation soigneuse et au cours du temps, parce que ces symptômes, il faut au moins un mois d'évolution pour pouvoir parler de troubles post-traumatiques. Et chez certaines personnes, ils peuvent apparaître de manière très différée. Et donc, les cellules d'urgence qui interviennent sur le terrain ne peuvent pas forcément repérer toutes les personnes qui vont développer des troubles. Alors, comment vous les appelez ? Vous les appelez des victimes, des survivants, des rescapés ? Moi, je les appelle des patients. Ici, dans le service de soins, on les appelle des patients, bien sûr. Alors après, sur le terrain, quand on se déplace en cas d'urgence avec la cellule d'urgence médico-psychologique, le terme qu'on utilise à ce moment-là, en général, c'est impliqué. Impliqué, ça veut dire que vous avez été vous-même touché directement, ou témoin, ou bien encore que vous avez un très proche qui a été blessé ou tué dans l'événement, même si vous n'étiez pas sur place. Après, la dénomination de victime, c'est une terminologie juridique qui ouvre la voie à une réparation du préjudice. Et ça, nous ne sommes pas compétents, nous, pour dire qui est victime et qui ne l'est pas. Par exemple, il y a eu un assaut à Saint-Denis, d'un immeuble, un assaut policier contre des terroristes, qui a été extrêmement violent, avec beaucoup de balles qui ont été tirées. Les personnes qui ont été prises dans cet événement ont été extrêmement traumatisées. Par contre, elles n'ont pas été assimilées par des autorités au groupe des victimes de terrorisme, mais elles ont reçu un statut spécial moins protecteur. Je ne sais pas quel est le terme exact. Donc vous voyez que tout ça, c'est des questions de statut. Et ce n'est pas à nous, les psychiatres, de dire qui est victime ou qui ne l'est pas. Nous nous occupons de blessés qu'on soigne. Comment vous expliquez que certains témoins qu'on a interrogés nous parlent de pensées morbides ? Je sais qu'il y a eu un suicide suite aux attentats de 2015. Alors qu'on pourrait se dire, pour un profane comme moi, on pourrait se dire, bah, il a rééchappé à la mort, il devrait avoir une pulsion de vie extraordinaire, alors que, on nous parle de pensées morbides. Je pense que quand on mesure la cruauté de l'homme envers l'homme, on peut avoir pour des années son stock de pensées morbides, puisque c'est quand même ça qui est frappant, c'est cette cruauté intentionnelle. Hein. On parle bien de ça dans les attentats. Soi-même, quand on travaille avec ses patients, on a besoin, enfin nous, on a la chance d'être dans un service qui travaille sur le trauma depuis des années. On a travaillé autour de cette pulsion de mort qui peut nous engluer, donc quelquefois un groupe est le bienvenu parce qu'on est plusieurs à s'aider à penser et à tenir le coup. Mais c'est quand même quelque chose d'omniprésent. La mort est là, en fait, dans la salle, avec eux. Et c'est pour ça qu'il faut que les thérapeutes qui s'occupent de patients ayant subi des traumas de cette envergure soient formés. Alors, c'est vraiment la santé et particulièrement la psychiatrie qui sont sinistrées actuellement. Hein. C'est-à-dire que Paris, déjà, n'est pas la ville la moins bien dotée de France. Hein. Vous savez qu'à Paris, effectivement, il est possible relativement facilement d'avoir accès à des soins psy. C'est très différent ailleurs. Nous avons eu des appels de gens désespérés dans des petites villes parce que, allant très mal, après avoir vécu ces événements, ils ne trouvaient absolument personne. Alors, pour les personnes blessées psychiquement, il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir, notamment les associations d'aide aux victimes, même si elles n'ont pas vocation à soigner les personnes, pour arriver à proposer des parcours de soins et d'aide qui soient cohérents. Alors c'est un peu le projet avec la création l'année dernière des 10 centres régionaux de soins du psychotraumatisme et du Centre national de ressources et de résilience dans lesquels on est impliqué ici. Et là, le chantier est immense. La question par exemple de Nice, le professeur Florence Askenazi qui a dirigé les prises en charge de ses enfants en a souvent parlé. Nice s'est retrouvé très très en difficulté. On sait ce qu'on pourrait faire, mais les moyens n'existent pas. Et à un niveau collectif, je pense que c'est une vulnérabilité très importante. Les choses peuvent se transmettre, donc ce n'est pas l'idée de faire peur avec ça, mais c'est l'idée que dans la société, les choses s'inscrivent dans l'histoire familiale, dans l'histoire des sujets, et puis dans l'histoire des générations aussi. Et donc je pense que c'est un enjeu majeur qui doit vraiment être pris au sérieux, parce que là, on est dans un moment de fragilité qui peut avoir des effets très importants. Ce qui s'est produit à Nice pour les équipes de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, c'est une expérience très particulière. Nous avons été confrontés au chaos dans la demi-heure ou l'heure qui a suivi la course folle du camion. Florence Askenazi, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Nice. Nous avons ouvert une cellule d'urgence médico-psychologique pédiatrique ici, sur le site de cet hôpital. Et nous avons reçu, sur les 8 premiers jours, environ jusqu'à 150 personnes par jour. Alors ça pouvait être des familles nucléaires, mais ça pouvait être aussi des familles élargies avec les grands-parents, les cousins, puisque les Niçois étaient descendus en famille. Ça pouvait être aussi beaucoup d'étrangers, puisqu'il y avait 58 nationalités présentes sur le site de la promenade, ce qui est un vrai souci aussi dont il faudra tenir compte, puisque aujourd'hui nous avons perdu de vue la plupart de ces étrangers. Et donc il y a aussi nécessité d'organiser une politique européenne pour que les victimes présentes sur le site puissent aussi ne pas être perdues de vue. Je pense que c'est très important. Et donc il a fallu organiser tous ces soins. Et parmi les objectifs, c'était à la fois que l'enfant et sa famille puissent reprendre le cours de sa vie, puissent trouver un lieu accueillant et bienveillant, réhumaniser quelque chose, hein, ça c'est ce que tout le monde le dit, mais... C'est pas quelque chose à prendre à la légère, puisque l'effet traumatique barbare, c'est une boucherie, enfin une barbarie terrible, hein, ce qui s'est passé à Nice, déshumanise. Alors, nous ne sommes qu'une petite partie de cette aide à la résilience, mais je crois aussi que l'organisation d'une résidence collective après ce que nous vivons dans notre pays actuellement est très importante. Et donc, nous avons eu l'ambition de créer un centre qui permet à la fois d'allier le soin quotidien et une recherche longitudinale à long terme pour connaître le devenir psychiatrique, psychologique, cognitif, social de ces enfants et des familles qui ont été impactées. Pour la recherche ici, nous avons inclus, je vais vous dire... Hein, pas autant que nous le souhaiterions, mais nous sommes environ à 400 enfants inclus. Nous travaillons à ce jour avec uniquement des fonds privés et nous souhaiterions pouvoir obtenir des fonds publics afin d'arriver au moins à 1000 enfants pour savoir quelle est l'évolution à long terme de tous ces enfants. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à distance de l'événement, on est à trois ans quand même, hein, c'est des nouvelles demandes, des familles qui demandent des consultations en lien avec l'attentat, soit suite à des nomadismes médicaux, donc des offres de soins qui n'étaient pas en cohérence avec les difficultés qu'ils présentaient. La deuxième question, c'est la temporalité du trauma. Il peut avoir été gelé, et puis un événement de vie stressant, ou même heureux, ça peut être une naissance dans la famille, peut révéler à nouveau cette difficulté. Et puis le troisième élément, c'est pour les enfants petits, la difficulté de repérage symptomatique. Parce que je me suis rendu à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui me disait, écoutez, à Paris, ça pose pas vraiment de problème de trouver un suivi psychologique ou psychiatrique ou pédiatrique. Mais alors, dès qu'on sort de Paris, c'est un peu le désert. Alors, pour organiser les soins, vous savez que la pédopsychiatrie est en difficulté, hein, c'est un secret pour personne. Nous formons de moins en moins d'étudiants. Et donc, effectivement, l'offre de soins publics comme privés se réduit. Alors que la demande implose. C'est compliqué. Ici, c'est compliqué dans les Alpes-Maritimes. Il y a très peu de pédopsychiatres installés. Et ils ont en moyenne 2 ans de délai d'attente pour une première consultation. Et c'est compliqué aussi de trouver des personnes au sein de la profession spécialisées dans le trauma. Donc, il faut participer à la construction de l'avenir. Alors, vous, comment vous faites au quotidien ? Comment je fais ? Je fais avec ce que je suis. Ma question, c'est vu l'afflux d'enfants qui ont été impactés par le 14 juillet 2016 et le manque de moyens. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des listes d'attente, il y a un goulot d'étranglement, il y a des enfants qui ne sont pas suivis La liste d'attente. Alors, c'est un vrai souci, la liste d'attente. Ça, c'est un problème technique quotidien de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a une liste d'attente. On a progressé. Donc, ce qu'on fait, ce sont des premières consultations assez rapides pour essayer d'évaluer quels sont les enfants qui sont les plus impactés de ceux qui peuvent attendre un petit peu plus. Toutes les familles sont rappelées systématiquement, hein, ça je crois qu'à Vicenne c'est la même chose, de façon à savoir quel est l'état de santé et si nécessité de revenir. Donc ça régule un petit peu la liste d'attente. Je m'appelle Thierry Vimal. J'ai perdu ma fille de 12 ans, Ami, dans l'attentat de Nice. Elle est morte même pas une heure après, à l'hôpital pédiatrique Lanval, sur la promenade des Anglais. Voilà, j'ai 48 ans, je suis écrivain et rédacteur de communication. Et la mère, c'est votre épouse, vous êtes... Non, alors, on était en voie de séparation quand c'est arrivé. On a réuni nos deux filles dans le salon le samedi pour leur annoncer qu'on se séparait. Et notre aînée est morte le jeudi suivant. Puis finalement, ça a pris... on est restés ensemble 2 ans et demi de plus, qui ont été spécialement difficiles. Alors 3 ans après, vous en êtes où ? En fait, vous me demandez où j'en suis 3 ans après. Si vous me posez cette question dans un mois ou il y a un mois, je réponds pas la même chose. C'est-à-dire que c'est très difficile. Enfin, il y a rien qui est stabilisé. Donc, je vais d'un espoir. Par exemple, au niveau professionnel, j'ai perdu tous mes revenus. Donc voilà, j'ai des difficultés à payer mon loyer. Enfin, j'ai même beaucoup de mois de loyer en retard. Et puis je vais avoir demandé une provision au fonds de garantie et plein d'espoir que ça s'arrange, et puis finalement elle est refusée, donc tout s'écroule, et puis finalement les attaques au tribunal, et puis on se dit bon, ils vont être condamnés à me verser un préjudice économique, et puis non, parce que il faut refaire une expertise médicale. On est sans arrêt comme ça bousculé d'un espoir à une déception. Le fonds de garantie vous refuse une indemnisation en tant que parent de victime ? C'est compliqué, il ne me refuse pas l'indemnisation, le barème. Voilà, vous avez perdu votre fille, votre enfant dans l'attentat de Nice, c'est 62 500 euros de versement de 25 000. Et ensuite, vous pouvez accepter le dernier versement de 12 500 qui clôt votre dossier. Et ça ne tient pas compte d'un certain nombre d'autres préjudices, qui sont plusieurs, mais principalement dans mon cas, du préjudice économique, professionnel, des revenus perdus, donc il n'est pas question d'accepter cette offre. Voilà. Cette offre, après, pour l'estimer, la fixer, il faut que je sois ce qu'on appelle consolidé. Il faut qu'un expert psychiatre du fonds de garantie qui dise que je suis consolidé, c'est-à-dire que mon état est fixe. Voilà, à partir de là, on pourrait chiffrer une somme. Donc je ne suis pas consolidé. Donc, j'ai demandé le versement d'une provision complémentaire, c'est-à-dire un forfait pour m'aider à tenir un petit peu plus longtemps. Et le fonds de garantie a fait la sourde oreille, n'a pas répondu, simplement pas répondu. Ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas répondu pendant plus d'un an à cette demande, jusqu'à ce qu'on les assigne en référé. Donc, avant ça, j'avais donc eu une expertise psychiatrique, puisque c'est la seule référence pour la justice, pour les institutions. La seule référence, c'est un psychiatre qui, à mon avis, apprend sur les bancs de la fac et dans son cabinet qu'il faut beaucoup de temps pour connaître une personne et comprendre un patient, et puis qui, d'un autre côté, vous plie un patient en 1 heure et demie, l'avoir écouté en 1 heure et demie, il sait dans quelle mesure le patient est ou non capable de travailler. Bref, mon expertise s'est mal passée, parce qu'en plus, il y avait des histoires de procédures, ils n'étaient pas d'accord, est-ce que l'avocate pouvait assister ou non, enfin bref, ça... En tout cas, l'expert a dit que j'étais capable de travailler peu après l'attentat, parce que je lui ai dit toute la vérité, hein. Le but c'est pas de gagner le plus possible, mais c'est de recevoir ce qui m'est dû. Donc, 15 jours après la mort de ma fille, il y a un client qui m'a demandé un travail, et je sais pas par quel miracle j'ai fait ce boulot, parce que ça faisait 15 jours que je m'agitais, qu'on allait à la police, à la maison d'accueil des victimes, sur la prom, on était tout le temps en train d'aller un point à un autre régler des choses. Ce qui fait que quand j'étais chez moi, je pouvais même pas m'asseoir sur un canapé, c'est pas possible. On tournait en rond dans la pièce, quoi. Vous êtes sur les nerfs comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Je pense qu'il y a une petite altération du discernement qui fait que j'ai fait un boulot pour un client qui m'a pris une journée, alors que c'était le premier jour où j'aurais pu me reposer. C'était le mariage de mon frère, on était à la montagne, c'était la première fois qu'on quittait Nice. Je sais pas pourquoi, et j'ai raconté cette anecdote à l'expert qui en a déduit que j'ai montré que j'étais capable de travailler dès 15 jours après l'attentat. Donc c'est, pour moi, ça relève de la, soit du déni, soit de la dégueulasserie, j'en sais rien. Donc, mon avocate et moi-même, on a assigné en référé le fonds de garantie en demandant que cette expertise soit en quelque sorte invalidée et que le tribunal ordonne une expertise judiciaire, donc une expertise demandée par le tribunal et non pas par le fonds de garantie, et que le fonds de garantie soit condamné à me verser cette provision complémentaire, forfaitaire, en attendant qu'on puisse chiffrer plus exactement. Et le tribunal a accepté d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, mais du coup a dit qu'ils n'avaient pas d'éléments médicaux pour savoir si j'étais ou non capable de travailler. Et donc, par contre, la demande de provision complémentaire a été rejetée. Ce matin, j'étais à la mairie de Nice, qui est mon propriétaire, qui m'a quand même permis d'accéder à un logement bien et à un prix raisonnable. Mais j'ai 6 mois de loyer en retard, donc ce matin, je suis allé négocier un échéancier... Je ne sais pas comment poser cette question, mais on est dans l'inhumanité. De toute façon, c'est la justice, donc c'est des processus très froids et très formels, je pense. Voilà, une présidente de tribunal a besoin d'une attestation médicale pour s'appuyer dessus, et puis si elle l'a pas, elle peut pas. Après, bon, moi, je trouve que c'est discutable. En plus, cette toute puissance de l'expert psychiatre qui se retrouve finalement au-dessus de la justice, au-dessus des deux balances de la justice, et voilà, qui donc... À mon avis, je suis sûr qu'il y en a des bons. On m'a dit qu'il y en a plein de bons. T'as vraiment pas eu de chance. Mais enfin, je trouve que des expertises devraient être beaucoup plus longues. Peut-être un peu plus, je sais pas, pluridisciplinaires. Peut-être qu'il pourrait y avoir des psychologues, des sciences humaines. Enfin, bon, c'est sûr que ça coûterait beaucoup plus cher, sans doute. Paris, 13 novembre 2019, devant la mairie du 11e arrondissement. Pour la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Maintenant, Arthur Desnouveau, président de Life for Paris, à dire quelques mots. Merci. Madame la maire, madame la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, mesdames et messieurs les maires d'arrondissement, mesdames et messieurs les parlementaires, chers tous, je vais être très bref. Je crois que la musique et le simple fait de nous rassembler aujourd'hui font beaucoup plus pour honorer la mémoire des disparus et saluer la force de ceux qui restent que de longs discours. Je voudrais juste rapidement évoquer quelques points qui, j'en suis sûr, tiennent à cœur à toutes les victimes, proches de victimes et aidants qui sont rassemblés ici aujourd'hui. Si être victime n'est pas un choix, cesser de l'être n'en est pas un non plus. C'est un long chemin, et pour beaucoup d'entre nous, ces 4 années n'en sont que le début. J'ai une pensée particulière pour la 20aine de victimes qui ont franchi la porte de Life for Paris pour la première fois cette année et entamé leur processus d'indemnisation. Ce n'est pas un hasard si je viens de parler de beaucoup d'entre nous sans plus de précision. Car chaque victime est avant tout un individu, un être humain, et chaque reconstruction suit son propre rythme. Je pense que l'État était bien conscient de cette réalité quand il a délégué au Fonds de garantie la mission de réparer intégralement, individuellement et équitablement les victimes. Il serait bien que le Fonds ne s'en tienne pas à une indemnisation barémisée en laissant le soin à la justice de se pencher sur les préjudices les plus complexes. Il serait évidemment bon que nous ne soyons pas vus comme de simples coups. Marine Gauchy, juriste de l'association Life for Paris. Il y a des droits très clairs. Le fonds de garantie, il est défini par différents textes, alors, qui sont dans différents codes, mais qui sont très clairs. Il y a même des jurisprudences qui sont actées, qui sont très claires. Et vous avez les avocats qui vous disent que quand ils sont au tribunal face au fonds de garantie et qu'ils sortent une jurisprudence, le fonds de garantie ne les respecte pas. Donc au tribunal, ça se règle, mais avant, dans la discussion et dans la négociation, vous avez le fonds de garantie qui fait « Ah non, mais nous, on ne la reconnaît pas, la jurisprudence ». Donc si vous n'avez pas d'avocat face au fonds de garantie, le problème c'est que vous n'arrivez pas à trouver la jurisprudence. Du coup, votre négociation au fonds de garantie, vous n'êtes pas en position de force. Alors déjà, quand vous êtes en position de force d'un point de vue du droit, vous confrontez parfois à la barrière du fonds de garantie qui vous dit non. Donc tout ça, c'est difficile en fait. La victime, particulièrement avec le terrorisme, a beaucoup de droits. Mais ce qui est difficile, c'est sa mise en œuvre. Et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique et c'est en partie lié au fait que on va vous répondre qu'en France, le fonds de garantie, c'est très bien. Enfin, il y a des pays en Europe qui n'ont pas du tout ça. Oui, personne en soi critique le fonds de garantie en tant que fonds de garantie. Mais bon, il ne donne pas vraiment d'informations claires. Il peut parfois faire... Alors, c'est pas faire obstacle de façon... J'arrive pas à croire que ce soit vraiment une volonté des dirigeants du fonds de garantie, je pense pas, mais ils facilitent pas le travail d'indemnisation que font les victimes, parce que c'est un travail, en fait. On leur demande tout, mais tout. C'est... Mais comment vous évaluez tel préjudice? Mais qu'est-ce qu'elle en sait, la victime? Une victime qui est pas accompagnée par un avocat, qu'est-ce qu'elle va savoir ce que c'est que le préjudice sexuel? Qu'est-ce que c'est que le préjudice professionnel? Moi, j'ai vu des dossiers où vous avez le psychiatre qui dit « il y a un préjudice professionnel » et vous avez le fonds de garantie dans la ligne marquée « préjudice professionnel, indemnisation, zéro ». Donc, il y a un préjudice qui est reconnu et vous l'évaluez à zéro. Ben non, dans la jurisprudence, c'est pas possible. En fait, si le préjudice il est reconnu d'un point de vue médical, il peut pas être à zéro euro. Ça n'existe pas. Il pourrait être à 1, mais pas à zéro. Et un euro, ce serait ridicule. Hein. Mais, c'est-à-dire que, vous imaginez, la victime, elle fait toutes les démarches. Bah, elle passe ses expertises, elle fournit tous les papiers. Mais tous les papiers, ça peut être par exemple tous ses avis d'imposition et ses différents contrats de travail, ses fiches de paie pour montrer que par exemple, il y a une incidence professionnelle parce que pendant 3 ans, elle a été à mi-temps. Admettons, et ça arrive beaucoup où la victime, au début où elle commence ses démarches, elle est par exemple à mi-temps, c'est difficile, et puis il y a le déclic. Soit elle change de travail, soit elle reprend son travail et ça va mieux, elle est de nouveau à plein temps, elle a une promotion, admettons, elle a une promotion et elle gagne mieux sa vie. Et voilà, vous avez le fonds de garantie qui vous répond. Oui, mais finalement, vous faites un métier qui vous plaît et vous gagnez bien votre vie. Ben oui, mais l'incidence professionnelle, elle est là. C'est pas une évaluation au temps de l'expertise qui doit être faite. C'est une évaluation sur tout le temps depuis l'attentat. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de bien vouloir prendre place. 4 octobre 2019, dans les jardins de Paris. Mesdames, messieurs, je vous demande de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Afin que les derniers invités puissent également trouver leur emplacement. Merci beaucoup. Anne Hidalgo, maire de Paris, a inauguré l'œuvre de Jeff Koons, Bouquet of Tulips, en présence de Jeff Koons, Jane Hartley, ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République française et de la Principauté de Monaco de 2014 à 2017, Son Excellence Jamie McCourt, ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République française et de la Principauté de Monaco depuis 2017, Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris pour la culture. Vous pouvez applaudir cette inauguration de plaque. Cela étant fait, mesdames, messieurs, je vous demande, mesdames, messieurs les journalistes, de reculer un tout petit peu, s'il vous plaît. Et je vais demander à madame la maire et aux personnes qui sont autour d'elle de bien vouloir prendre l'allée centrale, où l'on va vous remettre la corde qui va vous permettre de dévoiler le bouquet de tulipes. 3, 2, 1, photographe Instagrammeur, prêt, on y va! Voilà, voilà ce que nous avons publié le 4 octobre, donc le jour de l'inauguration des tulipes de Jeff Koons, donc sur notre page Facebook publique évidemment, et puis sur notre site internet. Cécile Bobil, responsable de la structure associative Life for Paris. Donc je cite, notre budget annuel d'association de victimes qui aide au quotidien des gens qui vont mal représente une infime partie du coût de cette sculpture et nous avons du mal à le boucler. Je parle évidemment du budget. Nous sommes donc choqués de voir que l'œuvre sera financée par des dons défiscalisés et donc par le contribuable. Alors ici on est dans le 11e arrondissement, dans vos locaux, que vous risquez de devoir quitter. Pourquoi? Vous n'avez plus de moyens? Parce qu'il va falloir, on n'a plus les moyens. Alors, jusqu'à maintenant, nos principales subventions viennent, on va dire, de la mairie de Paris et puis de certains ministères, entre autres le ministère de la Justice. Après, c'est des fonds privés ou des aides privées, comme la Fondation de France, avec une sous-structure qui s'occupe des victimes d'actes de terrorisme et qui nous subventionne également, qui s'appelle la FAVT. Donc voilà, aujourd'hui, ces subventions sont les mêmes depuis le début. Néanmoins, les dons spontanés, tout ce qui avait été donné juste après les attentats, puisqu'évidemment, tout le monde était très choqué, on va dire que les finances de l'association se sont réduites et à se demander même comment on va tenir jusqu'au procès principal. Comment on fait pour, au quotidien, recevoir ces victimes d'attentats? J'imagine qu'il faut écouter beaucoup. Alors, c'est énormément d'écoute, d'attention. Et en fait, ils n'ont besoin que d'aide. En plus, ils sont noyés dans beaucoup d'administratifs après. Donc, je suis vraiment là pour les aider. Dans toutes les... Alors, j'ai été formée aussi. Donc, j'ai été formée par Mme Rudetsky. Et puis, j'ai eu des formations, par ailleurs, qui ont été financées par l'association, qui sont faites par Paris Aide aux Victimes, qui, elle, fait aussi de l'accueil de victimes. C'est une association d'aide aux victimes et qui fait aussi de la formation pour les professionnels. Alors, quel genre de formation? Faut être formé à quoi pour écouter des victimes, pour les prendre en charge? Fait, il faut surtout mettre un cadre de travail. Parce qu'il faut effectivement être à l'écoute. Il ne faut pas non plus être trop dans l'empathie. Je ne suis pas victime, donc je pense aussi que c'est ce qui fait que mon travail, je peux le faire comme je le fais aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile quand on est victime de s'occuper d'une autre victime. Après, c'est un cadre qu'il faut poser entre moi et la victime. J'ai des entretiens en général qui ne durent jamais plus d'une heure, une heure et demie. Évidemment, on ne ressasse jamais la soirée du 13, puisqu'aujourd'hui, à 4 ans des attentats, je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé ce soir-là pour eux, mais plutôt de quoi ils ont besoin aujourd'hui. Alors, en général, ils ont besoin de quoi? Alors, ils ont besoin... Alors, ça peut être à tous les niveaux. Donc, ça peut être des informations ou des demandes sur leur dossier au fonds de garantie. Ça peut être des choses qu'ils doivent faire auprès de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes Civiles de Guerre, puisque maintenant, les victimes d'actes de terrorisme sont ressortissants de l'ONAC. Alors, ça peut être des accompagnements professionnels, retour à l'emploi, reconversion professionnelle, formation. Ça peut être des adoptions pupilles de la nation, puisque il a été aussi mis en place que les enfants, on n'a pas besoin d'avoir les deux parents décédés ou orphelins. Ça peut être juste des parents victimes d'actes de terrorisme. Donc les enfants peuvent être pupilles de la nation. Donc on les aide dans cette démarche, c'est assez compliqué. Ils passent devant un tribunal, ce qui est aussi une épreuve pour eux. Et puis aujourd'hui, la grosse étape pour nous, c'est les former au procès principal du 13, qui se rapproche à grands pas quand même. Leur expliquer ce qui va se passer un petit peu, quelle place la victime va avoir au cœur de ce procès, pour qu'ils puissent, quel que soit le verdict, accepter ce qui sera, quoi. Voilà. Vous avez créé une association de victimes ici à Nice qui s'appelle Promenade des Anges, c'est ça? On n'a pas créé la fin de vague, pour ne pas la nommer, est arrivée à Nice comme d'autres associations, la FVT, et a organisé la création de cette association qui s'est créée donc le 11 août, même pas un mois après l'attentat. C'était beaucoup trop tôt et les gens qui ont été réunis ce jour-là et qui ont chacun à leur tour raconté leur histoire... C'était quelque chose de terrible, il y avait tellement de douleur, tellement de fatigue, tellement de colère, ça a été un truc pas possible. Et voilà, et vous réunissez des gens comme ça qui sont encore sidérés pour leur demander de construire une action collective, mais c'est impossible, c'est du délire. Donc ça a été très très compliqué les débuts de l'association. Et la première équipe a volé en éclats, la deuxième équipe a volé en éclats, la troisième a un petit peu plus stabilisé. Là, on est sur une quatrième équipe qui est passée en présidence collégiale et j'y suis revenu. Je suis un des coprésidents de cette association en charge de la communication. Et c'est important d'avoir une association de victimes. Pourquoi est-ce que la FENVAC et la FVT sont descendues comme ça? Sont descendus, je pense que leur rôle c'est aussi de descendre quand il y a un attentat, d'être là et d'être sur les lieux et de donner de l'information principalement, et d'accompagner les gens. Moi j'ai quand même été accompagné par la FENVAC qui m'a aidé à monter mon dossier auprès du fonds de garantie, faire des demandes à la Fondation de France. Après je pense que c'est très politique, c'est-à-dire que la grande fédération qui sera celle qui chapeaute l'association des victimes Nice, la première, elle place un grand pion sur l'échiquier du post-attentat en France. Voilà, certainement qu'aussi elle pose une belle option pour obtenir des subventions. Enfin, je suppose qu'il y a un petit peu une course. Il y a une concurrence des associations de victimes. Oui, enfin là je parle de fédérations d'associations. Même sur Nice, il y en a trois, c'est de la concurrence. Oui, bien sûr, il y a une concurrence. De toute façon, il y a même de la concurrence entre les victimes. Les victimes se tombent bas dans les bras. Vous faites quelques amis, finalement, voilà, au bout de 3 ans, c'est quelques amis. Mais globalement, les relations entre les victimes sont plutôt très compliquées et souvent très mauvaises. Pourquoi ? Les gens, pourquoi ? Mais parce que c'est logique. Les gens aimeraient bien qu'on soit tous des frères et qu'on se tombe dans les bras. Et comme les gens aimeraient bien, auraient bien aimé que ma compagne et moi en séparation, d'un seul coup, on se réconcilie, on se retrouve. Mais ça, c'est une vision très romantique de la vie, mais c'est pas la réalité. Des gens qui sont tellement, tellement blessés, tellement secoués. Et qui voient en face d'eux une douleur équivalente à la leur, mais pas vécue pareil, et qui ne demandent pas les mêmes choses pour être soulagés, ben on est vite dans le conflit. C'est très compliqué. Un grand merci à tous d'être présents pour ces commémorations des 4 ans des attentats du 13 novembre 2015. Cette date, nous la redoutons tous, car la douleur que nous ressentons ne s'éteint jamais vraiment. Mais cela met du baume sur nos plaies encore vives de nous voir à tous ainsi réunis. Chaque année, Life for Paris a à cœur de célébrer avec vous la vie, la solidarité, l'amour et l'amitié, tout ce qui constitue, depuis sa création, l'ADN même de notre association. 13-11-15, Fraternité et Vérité nous fait une fois de plus l'amitié d'accepter notre invitation et nous aurons le plaisir de les avoir à nos côtés aujourd'hui. 13-11-15 a choisi la chanson Tears in Heaven d'Eric Clapton pour traduire la douleur que nous ressentons à la pensée de nos disparus. De son côté, Life for Paris a opté pour Everybody Hurts du groupe américain REM. Je cite quelques-unes de ses paroles, parce qu'elles ont un sens très profond. Parfois tout va mal, c'est le moment de chanter tous ensemble. Si ta journée n'est que nuit, tiens bon. Si tu sens que tu lâches prise, tiens bon. Si tu n'en peux plus de cette vie, alors accroche-toi. Ces deux chansons seront interprétées par Cathy, dont la magnifique voix nous avait déjà beaucoup émus en 2018 et qui nous fait le plaisir de revenir cette année. Well, the day's long, and the night is yours alone. Merci à Françoise Rudetsky, Guillaume Denoy de Saint-Marc et aux membres de l'AFVT, à Thierry Bobet, Catherine Ledu et Dalila Rezoug, à Thierry Vimal, Florence Askenazi, à Marine Gauchy, Cécile Bobille, Arthur Desnouveaux, Olivier Laplot, Alexis Lebrun, à Cathy et à tous les adhérents des associations Life for Paris et 13-11-15. Merci enfin à Caroline Langlade, Samira Hada et Julien Spella. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de parler du devoir de mémoire et du jardin du souvenir en hommage à toutes les victimes des attentats du 13 novembre qui verra le jour prochainement et nous vous dévoilons sans plus attendre le tout premier élément de ce projet que vous avez ici à ma droite. Un arbre de vie, plus précisément un olivier dont les branches symbolisent la paix à laquelle nous aspirons tous. Avouez qu'un olivier ça a quand même plus d'allure que des tulipes. Bravo! J'en profite pour rappeler que la défiscalisation fonctionne aussi avec les dons aux associations et que nos reçus sont déjà prêts à être envoyés à tous les grands mécènes qui souhaitent nous aider. Continuez à aider et défendre les victimes aujourd'hui encore. On en a beaucoup qui frappent encore à notre porte et voilà, toute contribution est bonne à prendre. Un immense merci d'être venus à tous. Merci. C'était Vivre avec le terrorisme, S'associer pour revivre, coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran, mixage Alain Joubert, réalisation Séverine Cassard, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. Yeah.